cours de l'histoire. Perrine Kervran. Où rendre son dernier soupir? Veut-on mourir chez soi ou mourir à l'hôpital? C'est une question que l'on n'a pas toujours le loisir de se poser, mais qui fait surgir des images. La scène se passe dans une chambre, il y a un lit au centre de la pièce, les rideaux ou les stores sont baissés, tout le monde est réuni au chevet du mourant et souvent quelqu'un lui tient la main. Difficile de dire si c'est le jour ou la nuit. Il y a le futur veuf, la future veuve, la famille, parfois les voisins, souvent des religieux. Certains pleurent, un autre se frappe la poitrine, d'autres se recueillent, ou bien la main posée sur une épaule cherche à apaiser le chagrin. Il peut aussi y avoir des silences inconfortables ou bien des râles et des soupirs. Et selon les époques, il y a aussi des machines qui bipent ou qui ronronnent. Mais quoi qu'il arrive, le médecin fait partie du décor. Il est peu à peu devenu le personnage incontournable de cette étape de la vie, particulièrement en ce moment, et c'est intéressant de se demander comment. Oui, oui, oui, il ne souffre pas. Il est sous traitement sédatif, tel que vous l'avez vu cet après-midi. Traitement sédatif et traitement contre la douleur. Il est profondément endormi. Oui, je crains qu'il ne décède au cours de la nuit. Je comprends. Je comprends. Il n'est pas tout seul. Hein. Nous sommes avec lui. Hein. Même si on peut plus rien pour lui, on ne l'abandonne pas, on s'occupe de lui. Je comprends. Si vous souhaitez venir, vous venez à n'importe quel moment. Hein. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez venir avec vos enfants, bien sûr, bien sûr. Je serai là. Je vous remercie. C'est très gentil à vous. Bonsoir, madame. Anne-Carole, bonjour. Alors là, on vient d'entendre un médecin. Hein. Il y en a beaucoup en ce moment qui annoncent des décès à des familles. Alors comme tout le monde, vous avez vous aussi dans votre entourage des histoires de malades du Covid, j'imagine, qui sont morts à l'hôpital, parfois loin de leurs proches. Vous êtes une historienne, spécialiste de l'histoire de la mort, pas tant celle de nos attitudes devant elle, mais plutôt de la prise en charge concrète de celle-ci. Alors on imagine bien qu'un jour, on fera l'histoire de la mort au temps du coronavirus et que ce genre de document deviendra une archive, une source importante. Et alors justement, qu'est-ce qu'on a comme source? Qu'est-ce que vous avez comme source, vous, pour faire l'histoire de la mort? Dans le cas des recherches qui me concernent, c'est-à-dire sur la médicalisation de la mort, on a tout ce qui relève des manuels de déontologie, par exemple, qui expliquent quelle attitude le médecin doit avoir vis-à-vis de son patient incurable, s'il doit l'accompagner ou non. Nous avons également des récits, des témoignages, des écrits du fort privé des membres de la famille. Et voilà, on a aussi toute la littérature savante sur la mort en tant que phénomène physiologique. Alors, dans le cours de l'histoire aujourd'hui, on tente de savoir comment la mort s'est médicalisée. Anne-Carole, vous avez été maîtresse de conférence à l'université Aix-Marseille 1, membre associé du centre Alexandre Coiret. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels « Les médecins et la mort »,« Physiologie de la veuve », »,« Une histoire médicale de la guillotine » et « L'embaumement, une passion romantique ». Alors, avant le 19e siècle, quelle est la place de la médecine, justement, par rapport à la mort? En fait, les médecins commencent à s'intéresser à la mort au XVIIIe siècle. Hein. Philippe Ariès et Michel Vauvel l'ont bien montré dans leurs ouvrages. C'était vraiment au XVIIIe siècle que s'opère un tournant et que le médecin commence à concurrencer le prêtre au chevet du mourant. Le prêtre était l'accompagnateur naturel pour le grand passage. Et progressivement, le médecin va s'installer au chevet du mourant, travailler de conserve parfois avec le prêtre et petit à petit le remplacer, jusqu'à être aujourd'hui l'acteur principal autour des mourants. Mais alors justement, si on reste à ce moment, donc avant le 19e siècle, quelle est sa place? Est-ce qu'il est là pour empêcher la mort? Est-ce qu'il est là au contraire pour adoucir la mort? Non, les médecins en fait au 18e siècle ont plutôt tendance à déserter le chevet des mourants. Donc ils n'interviennent pas réellement dans le processus du mourir, dans l'agonie, etc. Ils ont même le devoir depuis le début du 18e siècle de quitter un malade qui n'aurait pas fait venir le prêtre pour recevoir les derniers sacrements, se mettre en règle, avec l'au-delà, préparer son salut, etc. Mais ensuite, ils quittent le chevet du mourant. Et ils ne viennent au chevet du mourant qu'à partir du 19e siècle. On le voit à travers justement ces manuels de déontologie que j'évoquais tout à l'heure, où on multiplie les injonctions en disant non, il ne faut pas déserter ce chevet, il faut s'y imposer. C'est une espèce de territoire, je pense, à conquérir pour la médecine, comme l'avait été la naissance un siècle plus tôt. Mais alors justement, vous évoquez, Anne-Carole, dans vos travaux, les nombreux moyens, alors parfois très effrayants, pour retarder la mort. Parce qu'il y a quand même aussi ce rôle médical. Le médecin, il veut quand même sauver son patient. Oui, c'est une culture qui s'est développée, mais essentiellement au 19e siècle. Cette idée de prolonger la vie et cette façon de réduire le rôle du médecin au chevet du mourant dans un combat contre la maladie, contre la mort, et non pas un combat pour non pas une action pour rendre la mort la plus douce ou la plus paisible possible. Donc il y a une espèce de face à face qui s'instaure au 19e siècle parce que la médecine dispose, disons, d'un peu plus de moyens thérapeutiques qu'au siècle précédent. En tout cas de moyens d'action. Et donc, voilà, il y a un face-à-face entre le médecin et la mort dont le patient est exclu. Au XVIIIe siècle, les choses sont beaucoup plus simples. À partir du moment où on pense que le patient est perdu, eh bien, on laisse le prêtre faire. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour retarder la mort ? Parce que ça intrigue, justement, cette idée de retarder la mort. C'est quand même inéluctable. Oui, c'est inéluctable, mais dans cette idée qu'on peut gagner quand même un peu de temps à la vie, on dispose de moyens, ce qu'on appelle des cordiaux, en fait, des toniques. Donc on va, à la fin du 19e siècle, faire des injections de caféine, des injections d'éther, faire des massages cardiaques, enfin ce qui ressemble un peu aux ancêtres des massages cardiaques actuels, dans l'idée de solliciter la sensibilité et donc de solliciter les forces vitales du patient qui sont en train de s'affaiblir, provoquer un dernier sursaut en quelque sorte de cette vie qui déserte le corps. Mais alors dans ce cas-là, alors on imagine bien que ce n'est pas forcément dans l'espoir que le patient finalement vive, mais est-ce que c'est pas plutôt finalement pour montrer aussi la dextérité du médecin? Comment est-ce qu'on explique justement cette forme d'acharnement à trouver des derniers signes vitaux alors que on sait que tout est fini? Je pense que c'est lié au fait justement que le médecin est présent désormais. Il est présent, donc il faut bien qu'il fasse quelque chose. S'il est présent, il faut bien que il montre que sa présence a un sens. Et il y a deux solutions pour ça, soit accompagner le malade et soulager ses douleurs, soit effectivement essayer de faire valoir le pouvoir de la médecine. Et ce sont ces moyens violents qui sont employés préférentiellement. Donc je parlais des injections, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont encore plus terribles. Hein. On peut appliquer des fers rouges à la fin du 19e siècle. C'est un peu moins fréquent, mais au début du 19e siècle, on le fait encore hein, pour réveiller la force vitale. Mais c'est parce qu'on est là, et donc il faut justifier sa présence. Sois sans peur en face de tes ennemis. Sois brave et droit pour être aimé de Dieu. Dis toujours la vérité, même si cela doit te coûter la vie. Sauvegarde les faibles et garde-toi du mal. Tel est ton serment. Et ceci pour ne pas l'oublier. Debout, chevalier. Et Baron d'Ibelin. Défends le roi. Et si le roi n'est plus, protège le peuple. L'heure est venue, monseigneur, de vous confesser à Dieu et non à votre fils. Regrettez-vous tous vos péchés ? Je regrette tous mes péchés, sauf un. Peristam sanctam unctionem et suam pissimam misericordiam. Adieu fete dominus gratias spiritus. Alors c'est Ridley Scott qui a réalisé Kingdom of Heaven, qui se passe donc au XIIe siècle, donc bien avant la période que vous étudiez, hein, Anne-Carole, évidemment. Mais on va évoquer donc cette médicalisation progressive de la mort. Mais pour commencer, comment est-ce qu'on meurt jusqu'au XVIIIe siècle? Est-ce qu'on meurt seul? Est-ce qu'on meurt en famille? Est-ce qu'on meurt avec le prêtre? Alors, Voilà, cette scène nous donne quelques indices. Alors la scène, elle est tout à fait représentative du modèle de la bonne mort. Effectivement, ce que Philippe Ariès appelait la mort apprivoisée, et dont il situait l'apogée au Moyen-Âge, donc où on meurt en sachant qu'on va mourir, où on a le temps de se préparer finalement, et où on meurt entouré de ses proches, et également avec les secours de la religion. Donc ça, c'est le modèle de la bonne mort. Après, la façon dont les gens meurent, c'est très variable. Hein. Au moment d'une épidémie, ces conditions ne sont pas réunies. On peut mourir seul, abandonné de tous. Donc voilà, il faudrait distinguer selon les circonstances, selon les catégories sociales aussi. Au XIXe siècle, les pauvres qui meurent à l'hôpital ne meurent pas non plus en famille. Ce qui est frappant quand même, c'est dans cet extrait, et qui fait un peu écho au premier témoignage que vous avez évoqué, celui de ce médecin qui téléphonait à une famille, c'est le changement dans la conception de la bonne mort, c'est-à-dire que là on voit qu'il faut savoir qu'on va mourir pour faire une bonne mort, et il faut donc pouvoir s'y préparer, alors qu'au XXe siècle, progressivement, c'est la mort dans l'inconscience, hein, c'est la mort qui survient même dans le sommeil, quand on interroge les gens sur la meilleure façon de mourir, c'est ce qu'ils répondent, mourir sans le savoir, sans s'en rendre compte. Voilà, il y a un changement, mais qui est lié bien sûr à toute cette question de la place de la religion, et à l'importance désormais qu'on accorde au confort corporel, si je puis dire. C'est un peu paradoxal comme expression, mais de la mort. Alors justement, vous évoquez la question du confort, Anne-Carole. On a l'impression quand même que pendant très longtemps, on devait agoniser. C'est-à-dire que la mort devait être un passage pas forcément évident, pas forcément facile, et que ça faisait partie justement de la bonne mort, cette question de l'agonie. Il faut effectivement qu'il y ait une agonie, hein. Il ne faut pas mourir par surprise, hein. Il faut avoir le temps de se préparer. La question de la souffrance et du combat que peut représenter éventuellement l'agonie, c'est une question importante, là encore, d'un point de vue religieux, parce que tout ce qu'on souffre ici-bas vous sera épargné dans l'au-delà. Hein. Donc, dans l'économie du salut, souffrir un peu avant la mort, ça fait partie de la bonne mort, de fait. Maintenant, dans un horizon qui est beaucoup plus déchristianisé, hein, ce qui importe avant tout, c'est de ne pas souffrir. Parce que cette souffrance ne sert plus à rien. Mais il y a une culture, là, qui a été, je dirais, partagée à la fois par la culture religieuse et la culture médicale, qui valorise, ou qui du moins ne cherche pas nécessairement à éviter la souffrance avant la mort. Mais alors quel est le rôle justement du prêtre? Est-ce qu'il est là uniquement pour accompagner le mort, ou est-ce qu'il est là finalement encore avant que le médecin arrive, aussi pour constater le décès? Le prêtre est là pour accompagner, pour préparer le salut, donc pour donner les derniers sacrements. Il n'est pas là pour constater le décès, en fait. L'idée même de constater le décès, c'est une idée qui est très moderne, en fait, qui est liée aux incertitudes qui pèsent sur la définition clinique de la mort. Et ça se développe au XVIIIe et plus encore au XIXe siècle. Donc le prêtre ne constate pas le décès parce que le décès, il a, j'allais dire, un caractère d'évidence qui fait que la science n'a pas à intervenir sur ces questions. Alors, en revanche, c'est vrai que c'est le prêtre qui tient le registre des sépultures, hein, avant la mise en place de l'état civil à la Révolution française. Donc, d'une certaine façon, il atteste du décès, mais de façon indirecte. Enfin, il vient pas vérifier que le mort est bien mort, ou s'il le fait dans les cas de mort douteuse, c'est à travers des gestes très simples, hein, qui vont consister à je sais pas moi, mettre un miroir devant la bouche, un duvet devant les narines, etc., etc. Oui, puis on peut imaginer, Anne-Carole, que justement, jusqu'à ce que la médecine ne soit pas encore quelque chose qui est communément admis dans les familles, en tout cas au moment de la mort, il y a un savoir partagé, un savoir commun. Comme on doit appeler le prêtre, ça veut dire que finalement, tout le monde est plus ou moins familier avec les signes de la mort. On sait à quel moment il faut l'appeler. Oui, il y a une culture, effectivement, de préparation à la mort, une culture commune, hein, je dirais commune plutôt que populaire, parce que finalement, on la retrouve dans toutes les classes de la société. Et cette culture, d'abord, elle se base sur des intersignes, hein, les folkloristes qui ont travaillé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ont rapporté beaucoup de ces présages qui ont cours, notamment dans les campagnes, hein, qui laissent penser que la mort est proche, qu'elle va venir. Et puis, il y a cette façon très très très simple et très triviale, hein, de reconnaître quand la mort est arrivée, hein. Donc, on va se mettre à faire la toilette mortuaire, ensevelir le corps dans un linceul, mettre les mentonnières, enfin vous savez, des morceaux de tissu qui vont maintenir la mâchoire fermée. Voilà, il y a une espèce de culture pratique, matérielle et assez prosaïque de la mort. Alors Anne-Carole, vous expliquez aussi qu'à partir de la seconde moitié du 19e siècle, les médecins veulent justement commencer à soulager les mourants et que l'Église ne voit pas forcément ce nouveau souci d'un très bon œil au départ. Alors ils vont effectivement s'intéresser à la question du soulagement des mourants et c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont présents, jusqu'à la fin, il faut qu'ils fassent quelque chose. Alors certains vont jouer la carte de l'acharnement thérapeutique, mais c'est plutôt dans les derniers instants, d'autres vont chercher à soulager. Et la morphine, qui est isolée dès le début du 19e siècle, mais qui, pour des raisons techniques, ne va être véritablement utilisable de façon simple qu'à partir des années 1860, hein, sous forme d'injection par des seringues, cette morphine va leur offrir soudainement une capacité de bienfaisance, si je puis dire, auprès des mourants, qui est totalement inespérée et qui va du coup relégitimer leur présence. Donc la morphine est vue au départ, dans ces années 1860-70, comme un véritable miracle qui est mis à leur portée, qui permet de soulager les patients en fin de vie. Et pourquoi est-ce que l'Église ne voit pas ça d'un très bon œil ? Alors l'Église ne voit pas ça d'un très bon œil, et même les médecins catholiques aussi ne voient pas ça d'un très bon œil, parce que d'abord il y a cette valeur de la souffrance que j'évoquais tout à l'heure, cette valeur rédemptrice de la souffrance qui est gommée du coup. Donc on diminue le mérite du mourant, hein, qui souffre moins. Et puis la morphine, comme d'autres antalgiques, a plutôt tendance à plonger le malade dans la torpeur, voire dans l'inconscience. Et ça va à l'encontre, encore une fois, du modèle de la bonne mort, où on doit approcher la mort en étant parfaitement conscient et en se mettant en règle avec ses proches, avec l'au-delà, etc. Mais il y a vraiment cette question de la douleur rédemptrice, hein, qui ce dolorisme qui va à l'encontre de l'usage de la morphine. Elle avait les membres crispés, le corps couvert de taches brunes, et son pouls glissait sous les doigts comme une corde de harpe près de se rompre. On entendit le claquement d'un fouet, toutes les vitres frémirent, et une berline de poste débusqua d'un bond au coin des halles. C'était le docteur Larivière. L'apparition d'un dieu n'eût pas causé plus d'émoi. Il appartenait à la grande école chirurgicale sortie du tablier de Bichat, à cette génération maintenant disparue de praticiens philosophes qui, chérissant leur art d'un amour fanatique, l'exerçaient avec exaltation et sagacité. L'attention publique fut distraite par l'apparition de l'abbé Bournisien qui passait sous les halles avec les saintes huiles. Le prêtre se releva pour prendre le crucifix. Alors Emma allongea le cou comme quelqu'un qui a soif et collant ses lèvres sur le corps de l'homme-dieu, elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné. Ensuite, il récita le Misereatur et l'Indulgentiam, trempa son pouce droit dans l'huile et commença les onctions. D'abord sur les yeux, qui avaient tant convoité toutes les somptuosités terrestres, puis sur les narines, friandes de brises tièdes et de senteurs amoureuses, puis sur la bouche, qui s'était ouverte pour le mensonge, qui avait gémi d'orgueil et crié dans la luxure, puis sur les mains, qui se délectaient au contact suave, et enfin sur la plante des pieds, si rapides autrefois quand elle courait à l'assouvissance de ses désirs, et qui maintenant ne marcherait plus. « Peut-être aurez-vous reconnu la mort d'Emma Bovary à la fin de Madame Bovary, donc ce roman de Flaubert de 1857, lu ce matin par Olivier Martineau. Alors, Anne-Carole, là, on voit, il y a les deux personnages principaux, le prêtre et le médecin. Autour de quoi s'organise ce combat, peut-être cette rivalité entre l'Église et la médecine pour le contrôle des étapes de la vie? Alors, peut-être il faut nuancer quand même la question de combat, hein. C'est-à-dire que on a une vision des rapports entre Église et médecine qui est très héritée du récit qu'en ont fait les médecins de la fin du 19e siècle, des médecins positivistes, dans un contexte de laïcisation de la France. Et ils ont tendance à, évidemment, accentuer les divergences. Tout au long du 19e siècle, il y a une collaboration, de fait, hein, souvent entre prêtres et médecins. Et puis les médecins ont été éduqués, souvent, dans un contexte même religieux, catholique. Enfin bref, il faut pas durcir cette opposition et faire, par exemple, de la sécularisation des hôpitaux à la fin du 19e siècle en France, où on voit bien comment les médecins peuvent s'agacer du fait que les bonnes sœurs harcèlent les malades, les mourants, pour qu'ils se mettent en règle avec le salut, etc. Il faut pas en faire une règle générale. Ceci dit, il y a quand même des enjeux importants, et par exemple la question de la vérité est un point d'achoppement des relations entre les médecins et les religieux. Pourquoi ? Parce que les médecins, dès le 19e siècle, vont faire le choix de ne pas dire la vérité aux malades. Il y a une culture du mensonge qui se met en place, qui va durer très longtemps, hein, on en sort à peine, on peut le dire. Alors que pour les religieux, au contraire, le mourant doit être averti suffisamment tôt de son état, toujours, hein, pour pouvoir régler ses affaires spirituelles. Mais alors justement, c'est intéressant ce que vous soulevez là, parce que on pourrait aussi dire que finalement, ça dit quelque chose du pouvoir que s'accorde le médecin, puisqu'il est le seul à savoir, et aussi peut-être de son impuissance, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne dit pas au mourant qu'il va mourir, parce qu'en fait, il ne peut rien faire. Alors, il ne le dit pas pour plusieurs raisons. Les médecins développent tout un argumentaire, hein, déontologique, pour expliquer ce choix du mensonge. Il y a dans cet argumentaire des arguments qu'on pourrait qualifier de thérapeutiques. C'est-à-dire, on pense que dire la vérité brutalement au malade, ça peut le tuer, hein, ou non pas peut-être d'un seul coup, mais en tout cas le décourager, affaiblir ses forces vitales et donc l'empêcher de lutter jusqu'au dernier moment. Il y a aussi des arguments qui relèvent de la charité. Et là, on voit bien la concurrence entre deux types de charité, hein, la charité chrétienne et puis une espèce de charité laïque qui consisterait à épargner les sentiments du malade. Mais on peut faire aussi l'hypothèse que si les médecins ne disent pas la vérité au malade, c'est pour éviter ce long face-à-face extrêmement pesant, extrêmement gênant, hein, qui consisterait à rester à leur chevet tout en ne pouvant rien faire, hein, et le malade sachant que le médecin ne peut rien faire. Donc c'est une façon d'éviter cette confrontation, hein. Les travaux de la psychologue Kubler-Ross sur l'annonce du pronostic fatal et les effets que cela peut avoir psychologiquement sur un malade disent que le malade passe par plusieurs phases, et parmi ces phases, il y a le déni, il y a la colère, etc. Et on peut faire l'hypothèse, en tout cas moi je la fais, que c'est un choix de confort aussi pour les médecins que de ne pas avoir à affronter ces situations émotionnelles extrêmement intenses que causerait la révélation du diagnostic fatal. Alors, avant même d'évoquer la question de l'hospitalisation qui deviendra la norme, quand est-ce que l'accompagnement par le médecin devient la norme? Vous dites, vous utilisez une expression qui, je trouve, résume bien les choses. Vous dites que la médecine conquiert le moment de la mort. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quand et pourquoi finalement c'est la médecine qui finalement devient la norme de la prise en charge de la mort? D'accord. La médecine prise en charge de la mort, alors ça s'effectue au XVIIIe siècle, hein, ça s'étale sur le XVIIIe siècle et on peut dire la première moitié du XIXe siècle. Il y a une transition là qui s'opère et qui se fait d'ailleurs sur plusieurs fronts, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement des mourants, effectivement, les médecins sont de plus en plus présents à leur chevet, mais les médecins interviennent à d'autres niveaux. Par exemple, ils vont intervenir dans la définition légale de la mort, dans le constat de mort, qui va perdre le régime d'évidence que j'évoquais tout à l'heure, pour devenir une affaire d'experts. Ils vont également se mêler de tout ce qui relève de la place des morts dans le monde des vivants, c'est-à-dire toute la question de la gestion sanitaire des cimetières. Et puis, ils vont également s'approprier les corps des morts, les cadavres des morts, pour dans le cadre des études de médecine, pour la formation des futurs médecins. Donc, il y a vraiment là un champ qui est en cours de conquête. Tu t'inquiètes pour ton père, hein ? France Culture. Avec raison. Est-ce que tu pries les dieux ? Les anciens et les nouveaux. Le cours de l'histoire. Sache qu'il n'y a qu'un dieu. Ce dieu, c'est la mort. À la mort, on ne dit qu'une chose. Pas aujourd'hui. Perrine Guervran. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. Mourir en écoutant Johnny Cash, When the Man Comes Around, c'est forcément un bon programme. Alors mourir chez soi, mourir à l'hôpital, comment la mort s'est médicalisée, c'est la question que l'on se pose aujourd'hui dans le cours de l'histoire, avec aujourd'hui Milena Elig à la réalisation et Nasser Moussaoui à la technique. Alors Anne-Carole, pour vous, cette charnière du 19e, c'est aussi finalement le moment où se mettent en place les prémices de la santé publique. Oui, il y a d'une part une médicalisation croissante liée tout simplement au nombre plus grand de médecins, à l'accès, à la démocratisation des soins, au fait que, bon, par exemple, à la fin du siècle, il y a une loi sur l'assistance médicale gratuite qui fait donc accéder aux soins médicaux plus de gens, des gens qui étaient plutôt éloignés du médecin pour des raisons de coût. Et puis, il y a le développement des hôpitaux également qui accompagne cette médicalisation. Et enfin, il y a un intérêt croissant de l'État pour les questions de santé publique, pour des questions de population. Hein, on sait que se développent dans la deuxième moitié du 19e siècle des théories populationnistes hein, qui s'appuient sur un supposé déclin de la population française. Et donc, dans ce contexte, hein, l'État s'intéresse de plus en plus à la conservation des gens et donc à faire reculer la mort et pour cela à développer la médicalisation de la société. Et alors justement, est-ce que on peut dire alors la majorité des gens accompagnent cette évolution, c'est-à-dire est-ce que finalement cette médicalisation, le fait que cette mort ne soit plus forcément quelque chose qui se vit de façon, comme on l'a dit au début, prosaïque, intime, à la maison, est-ce que tout le monde suit ce mouvement ou est-ce que quand même il y a des difficultés, est-ce que c'est pas toujours bien accepté? Il y a des décalages en fait, des chronologies décalées, hein, c'est-à-dire que la médicalisation va s'opérer plus rapidement en ville, aux deux extrémités d'ailleurs de l'échelle sociale. Alors d'un côté, évidemment, il y a ceux qui avaient les moyens déjà d'être accompagnés par des médecins jusqu'au bout, au début du 19e siècle, mais vous avez également les pauvres hein, qui vont aller mourir à l'hôpital en plus grand nombre, hein, puisque l'hôpital accueille les pauvres au 19e siècle. Ce qui fait défaut, c'est la campagne, hein, donc où la médicalisation est très peu dense. Les mentalités sont plutôt teintées de méfiance par rapport au médecin. Il y a une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on appelle le médecin au dernier moment, donc il est impuissant, et donc on a tendance à penser que c'est pas la peine de l'appeler. Voilà, et ce sont ces chronologies différées hein, qu'il faut prendre en compte pour mesurer les différences d'accès à la médecine en fin de vie. Madame, s'il vous plaît, quel est votre sentiment? Lorsque quelqu'un âgé, atteint gravement, refuse d'aller à l'hôpital, que croyez-vous qu'il faille faire? Moi, je trouve que les personnes âgées, on ne doit pas les laisser mourir chez elles comme ça. C'est vraiment inhumain, à mon avis. Il faut les persuader qu'il faut qu'elles aillent à l'hôpital pour se faire soigner et ça améliorerait leur morale, certainement. Que pensent les deux jeunes gens là? Eh bien, moi, personnellement, je pense que c'est une atteinte. Enfin, moi, j'estime qu'une personne âgée, si elle désire mourir chez elle, elle en est libre. Donc, c'est une atteinte à la liberté. Si c'est au moment de la fin de sa vie qu'on vous coupe toute liberté, c'est... On doit mourir chez soi. Enfin, moi, j'estime que si on désire mourir chez soi, on doit mourir chez soi. De vous voir réagir, madame. Oui, je suis jeune, alors je vais peut-être faire du sentiment aussi, mais c'est ce problème de la solitude morale, moi, qui vient de me toucher beaucoup. Oui, morale, madame, malheureusement, dans la maladie, il y a les soins. Oui, il y a les soins. Bon, mais j'ai un grand-père que je viens de perdre et qui était justement dans une maison de retraite parce qu'il était difficile à soigner. Et il est mort tout seul. Alors moi, j'ai eu envie de crier. Pourquoi? C'était mon grand-père, je ne suis pas une petite fille indigne. Pourquoi est-ce qu'il était tout seul ce jour-là? Pourquoi? À qui? Et contre qui crier? Pourquoi n'est-il pas resté chez vous? Parce qu'il ne pouvait pas. Il voulait une assistance, effectivement, de tous les jours. Et oui, mais enfin, en arrivant là, moi, qui n'ai pas encore de famille à l'heure actuelle, si je m'imagine que je fais des enfants, des petits-enfants, mais qu'un jour, je serai toute seule le jour de ma mort, non. Oui, madame, malheureusement, il y a le sentiment et puis il y a la maladie. Ouais. Alors les Français s'interrogent, hein, c'est une archive de 1975. Alors on a évoqué hein, la question du rôle du prêtre et du médecin au moment de la mort au 18e au 19e, mais sans approfondir cette question de savoir si on meurt plutôt chez soi ou plutôt à l'hôpital, là on entend cette femme âgée dans l'archive, donc qui date de 75, hein, je le répète, et pour elle, mourir chez soi semble indigne. C'est-à-dire que longtemps, l'hôpital pourtant est associé à l'hospice. Donc est-ce qu'on peut justement travailler un peu cette question de la relation à la mort à l'hôpital? Comment c'est perçu, comment c'est vécu justement au 18e, 19e, cette question de la mort à l'hôpital? Oui, cette archive est très étonnante, effectivement. On voit bien le retournement. 18e et 19e, la mort à l'hôpital, c'est ce qu'il peut y avoir de pire. Hein. Enfin, c'est le signe d'un échec social. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas eu de famille, personne pour s'occuper de vous à la fin de votre vie. Et le deuxième aspect qui rend la mort à l'hôpital répulsive, c'est que le corps, ensuite, risque très probablement d'être utilisé, travaillé par des autopsies, voire par des dissections, hein, qui vont complètement à l'encontre de l'évolution des sensibilités funéraires à l'époque. Donc l'hôpital va rester très longtemps répulsif, mais En même temps, l'hôpital va changer progressivement au XXe siècle, puisqu'il va se mettre à accueillir des malades payants. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, avec les systèmes de sécurité sociale, etc., l'hôpital va accueillir vraiment toutes les classes de la société, va devenir le lieu de la médecine de pointe. Et cette dame qui souhaite en quelque sorte que les personnes âgées meurent à l'hôpital, hein, elle est tout à fait le témoin de ce changement. Alors ce qui est frappant, c'est que l'archive date de 1975, c'est-à-dire un moment où justement les choses sont en train de basculer complètement, et où les morts à domicile, qui étaient très largement majoritaires jusqu'à la fin des années 60, hein, qui représentaient à peu près les deux tiers des décès, voire les trois quarts, le rapport va s'inverser, et la mort à l'hôpital aujourd'hui, hein, ou dans des institutions médicalisées, c'est les trois quarts, en gros, des décès. Et maintenant, c'est vu justement comme quelque chose d'inhumain. Et on voit bien que ce regard, il est porté en 75 par des gens qui sont jeunes, et qui maintenant sont toujours dans cet état d'esprit, et peut-être plus encore avec la technicisation de l'encadrement d'agonie. Alors vous dites aussi à Anne-Carole que pendant longtemps, la mort à la maison accompagnée d'un médecin est finalement plus médicalisée qu'à l'hôpital. Alors ça, c'est quelque chose qui est peut-être difficile à imaginer pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement, à l'hôpital, on ne fait pas encore de la médecine, on est plus proche peut-être de l'hospice, et qu'une mort médicalisée, c'est à la maison, mais avec un médecin de famille. La mort à la maison, avec le médecin de famille, effectivement, fait que le médecin apporte, j'allais dire, un soin, un accompagnement global, c'est-à-dire à la fois thérapeutique, moral, il peut éventuellement soulager la douleur. C'est quelque chose qui a pas été toujours très très mis au grand jour, mais qui a sans doute été fait de façon un peu subreptice, un peu clandestine. À l'hôpital n'était pas un lieu au départ pour accueillir, pour accompagner jusqu'à la mort. L'hôpital est un lieu pour soigner. Et donc, il n'y a pas cette culture de l'accompagnement des mourants. En plus, le soin est éclaté à l'hôpital. Il n'est pas entre les mains d'une seule personne, comme le médecin soignant. Donc, c'est vrai que la mort hospitalière est peut-être autant médicalisée, mais en tout cas moins accompagnée par le personnel soignant que ne pouvait le faire le médecin soignant à domicile. Et est-ce que l'émergence justement du médecin de famille, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu de cette figure, est-ce que l'émergence du médecin de famille change la donne ? Oui, le médecin de famille, tel qu'il se construit à la fin du 19e et surtout au 20e siècle, hein, il a un rapport intime à la famille qui va par exemple lui permettre d'avertir la famille de l'état désespéré du mourant, qui va lui permettre éventuellement de collaborer avec le prêtre. Le médecin de famille fournit les conditions peut-être les plus confortables, les plus ajustées en tout cas, les plus sur mesure à la mort des patients. Ceci dit, il ne faut pas non plus idéaliser ce rôle du médecin de famille qui est aussi une construction des médecins eux-mêmes, hein, dans une sorte de nostalgie d'un âge d'or qu'ils auraient perdu. Hein. Les médecins de famille, finalement, ça concerne pas la totalité de la population. Mais c'est vrai que tel que ça a pu se réaliser dans certains cas, c'est sans doute le meilleur accompagnement qu'on pouvait imaginer pour aller vers la mort. Et pourquoi, Anne-Carole, est-ce que c'était finalement si important pour les médecins de justement de s'attribuer la mort, de s'attribuer ce moment-là aussi ? Je pense que ça fait partie d'une stratégie socio-professionnelle. Donc stratégie, c'est peut-être un mot qui fait un peu trop complotiste, mais disons que ça fait partie d'une stratégie plus vaste qui consiste à se poser en expert sur tout un tas de domaines qui, a priori, n'étaient pas du domaine de la médecine. Regardez ce qui s'est fait pour la naissance au XVIIe et au XVIIIe siècle. Les chirurgiens, notamment, hein, ont investi cette question pour se donner une légitimité et se donner une légitimité en tant qu'expert par rapport aux médecins et par rapport aux matrones, c'est-à-dire aux femmes qui s'occupaient jusqu'à présent des accouchements. Et la mort, qui est finalement quelque chose de physiologique, enfin on n'y échappe pas, hein. On pourrait penser que c'est presque en dehors du domaine de la médecine. La médecine fait ce qu'elle peut, puis après la mort, c'est la mort. Les médecins, là aussi, vont s'emparer de cela pour asseoir leur légitimité dans ce contexte de montée en puissance de l'hygiène publique, hein, et des questions de santé qui se mêlent avec le politique. Et on voit très bien, par exemple, pour la question des signes de la mort, de la définition clinique de la mort, là encore, on retrouve les chirurgiens à la manœuvre, si je puis dire, hein, qui s'emparent de ce champ et qui font valoir leurs compétences, leur expertise, à un moment où ils sont en train de monter en puissance dans les professions soignantes. Donc c'est une question de pouvoir. C'est une question de pouvoir, mais je pense qu'il faut nuancer quand même ce pouvoir médical qui a été beaucoup défendu par Foucault. Il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en compte que voilà, tout dépend des circonstances. À l'hôpital, c'est pas la même chose qu'en famille. Et puis, dans le cas des cimetières, par exemple, le modèle de gestion sanitaire des cadavres mis au point par les médecins dans le cimetière moderne, ce qu'on appelle le cimetière moderne à partir du début du 19e siècle, c'est un échec complet. Les gens vont complètement détourner le cimetière hygiénique pour en faire le cimetière tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un cimetière où les gens vont sans crainte, où au lieu d'avoir des rotations rapides des fosses, on a au contraire des concessions perpétuelles. Enfin bon, bref, ce pouvoir est quand même se heurte toujours quand même au bricolage de la réalité, comme disait Jacques Léonard. En un an, on a dû accompagner quelque chose comme une vingtaine de personnes. Et à chaque fois, on a découvert que des gens qu'on considérait comme grabataires pouvaient parler, pouvaient entendre, pouvaient même marcher dans certains cas. Et ça m'amène à avoir plusieurs convictions. D'abord, qu'il est très urgent de se poser un peu la question de l'accompagnement des mourants. C'est une question qui est tout à fait refusée en France. Il n'y a que quelques services qui s'en occupent. Mais je crois que si on ne se pose pas cette question, les soins qu'on donne ailleurs n'ont aucun sens et que la médecine, par exemple, en long séjour, si elle ne se pose pas la question de la souffrance, si elle ne se pose pas la question d'accompagner les gens par rapport à la mort, est une médecine qui tue et non pas une médecine qui guérit. Il y a des moyens simples, d'une part des moyens techniques, d'autre part un accompagnement humain qui est important et qui est simple. Ça peut pas être le travail exclusivement d'un médecin, mais c'est important que les médecins se forment et y croient parce que il y a besoin qu'ils animent une équipe par rapport à ça. Et d'autre part, je crois que c'est une question qui déborde largement un service comme celui-là, et qui est une question un peu de société. Enfin, c'est à la société de se demander quelle mort elle veut donner aux gens, comment elle veut les accompagner, et à partir de là, quel sens elle peut trouver à la vie. Alors, en 1984, un médecin de l'hôpital de soins palliatifs Charlefoix était donc au micro, de Daniel Incalcaltera. Alors, Anne-Carole, comment est-ce que vous remettez ces unités de soins palliatifs dans une perspective historique, et qu'est-ce que ça dit de notre évolution du rapport à la mort ? Alors les unités de soins palliatifs, effectivement, c'est les années 80, c'est relativement tardif en France par rapport à d'autres pays, hein, notamment par rapport à l'Angleterre. C'est issu d'un mouvement de contestation dans les années 70, en fait, qui est tout à fait parallèle à celui du birth control, c'est le death control, c'est-à-dire l'idée de pouvoir contrôler sa propre mort et de faire en sorte que les médecins ne la confisquent pas. Avec la technicisation croissante des moyens de suppléance, de réanimation qui sont employés dans les hôpitaux, aussi bien auprès des grands malades que des personnes très âgées. Et donc, les soins palliatifs, c'est l'idée de réhumaniser la mort et de soulager la douleur. On a vu qu'il y avait la morphine, hein, à la fin du 19e siècle, qui a été une espèce de solution miracle pour les médecins, mais la morphine est assez vite abandonnée, en fait. En tout cas utilisé avec beaucoup de parcimonie pour des tas de raisons liées encore une fois à cette culture doloriste de la médecine et aussi parce que on a peur de phénomènes d'accoutumance, on a peur de devoir augmenter les doses, de tuer le patient en augmentant ses doses, etc., etc. Et donc voilà, dans les années 80, on va voir se développer cette volonté d'accompagner à nouveau les mourants en soulageant leurs souffrances. Et on va importer ce qui se faisait en Angleterre, hein, ce que Cicely Saunders avait mis au point en Angleterre, au St. Christopher Hospital, qui sont ces soins palliatifs, hein, où on tuile par des administrations de morphine progressives. On évite la souffrance du patient. C'est devenu vraiment désormais la principale question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi, à la même époque, qui est issu de ce désir de contrôler la mort, de death control, une revendication aussi d'euthanasie. hein, c'est-à-dire de pouvoir décider de sa propre mort et de pouvoir la choisir à un moment donné avec une assistance médicale. Et en France, les deux mouvements sont allés en divergent, alors qu'on aurait pu très bien imaginer que les deux volontés se combinent, hein, qu'on accompagne le mourant et puis qu'à un moment donné, on l'aide à mourir. Mais en France, non. Et on peut penser que c'est dommage. Il y a eu véritablement un antagonisme qui s'est créé entre ces deux types d'approches de l'assistance médicale dans la mort. Alors, il y a un autre personnage que je voudrais évoquer avec vous, Anne-Carole, qui est très présent aussi dans vos travaux. C'est justement ces médecins qui étaient chargés de déclarer, de constater la mort. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît pas aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce corps de médecins très particulier qui se développe donc au XVIIIe siècle, à Paris notamment? Alors, en fait, il se développe à partir de 1800. Donc, vraiment, c'est le préfet de la Seine qui va anticiper qui va aller plus loin en quelque sorte que le code civil, qui prévoyait de toute façon que il fallait que la mort soit constatée. Donc c'est le début de ce coin enfoncé, si je puis dire, dans le régime d'évidence de la mort. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui constate, et le code civil prévoit que ce soit un officier d'état civil. Et à Paris, donc le préfet de la Seine, Frochot, va aller plus loin. Et plus tôt, si je puis dire, puisque vers 1800, il va créer ce corps de médecins vérificateurs des décès, que les Parisiens vont très vite appeler les médecins des morts, qui sont chargés d'aller au domicile des décédés et de dresser un constat de mort après examen de celui-ci. Et donc, ce corps de médecins va devenir progressivement de plus en plus important. Ils vont même être doublés en 1839 d'un corps d'inspecteurs qui vérifient que les vérificateurs ont bien constaté le décès. Et on va mettre ça en place à Paris, on va le mettre en place dans quelques grandes villes. Une circulaire en 1866 va inciter tous les préfets à développer de tels services. Et en 1960, ce certificat médical de décès sera rendu obligatoire. Simplement, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, c'est que c'est le médecin traitant délivre le certificat. Il n'y a guère que dans les grandes villes qu'il y a des médecins de l'état civil qui se déplacent pour constater les décès. Et alors peut-être très brièvement pour conclure, Anne-Carole, ce corps de médecins, il était né aussi d'une peur qui était assez forte à l'époque d'être déclaré mort alors qu'on ne l'était pas. Oui, ça répond effectivement à cette crainte développée surtout dans les élites d'ailleurs, de ce qu'on appelait la mort apparente et le risque afférent à cette mort apparente, c'est-à-dire les inhumations prématurées, le fait d'être enterré vivant, hein, ce que raconte Zola dans une nouvelle qui s'appelle « La mort d'Olivier Bécaille ». Donc le vérificateur devait effectivement certifier, attester de cette mort pour que le permis d'inhumer soit délivré. Et il y a donc toute une liste de symptômes qu'on doit, de choses qu'on doit constater pour justement s'assurer de la mort de. Oui, il y a toute une littérature savante hein, sur ces signes de la mort, sur les épreuves et les signes cliniques à observer chez le patient. Merci beaucoup Anne-Carole. Donc je rappelle que vous êtes l'autrice des Médecins et la mort, 19e, 20e siècle, de Physiologie de la veuve, une histoire médicale de la guillotine et de l'embaumement, une passion romantique. Alors 6 pieds sous terre, mourir chez soi ou mourir à l'hôpital, c'est ce qu'on a essayé de creuser aujourd'hui. Et demain, dans le cours de l'histoire, on continue d'explorer notre rapport à la mort et on va s'attaquer à l'histoire des pratiques funéraires du cimetière au cercueil. Et là aussi, l'hygiénisme joue un grand rôle. Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Perrine, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui Anaïs, vous nous emmenez sur les routes, mais avec une historienne qui fera le guide. Alors que l'obsession nous tenaille de pouvoir nous déplacer sans entrave, Claudia Moati, dans la revue historique, nous offre une histoire mondiale de la route, des confins de l'Antiquité aux salles d'attente des gares fraîchement inventées au XIXe siècle. Tout le monde prend la route, celle du désert, du pèlerinage, de la guerre, du marché du travail, de la diplomatie, des vacances, en grande pompe ou en secret, anonymement ou en signalant son passage dans un fracas ostentatoire. En roulant, en naviguant, en marchant ou en trottant, à pieds nus ou chaussés, les humains n'ont pas attendu la motorisation et les révolutions industrielles pour se mouvoir. Contraint ou volontaire, avec joie ou la mort dans l'âme, en rechignant ou en sautillant, au fil du temps, les manières de prendre la route ont repoussé l'horizon, de son village à sa région jusqu'aux frontières nationales, puis européennes et mondiales. Les plus favorisés y côtoient les plus démunis, les sans-patrie, les exilés et les déracinés, les enchaînés, les représentants du pouvoir à côté de l'ordinaire du déplacement routinier. De ce côté-là, l'histoire évolue peu, mais les distances parcourues ont changé et c'est un espace-temps qui se vit différemment. La route est plus ou moins longue selon les moyens que l'on a d'en adoucir la pente et l'épreuve. Le chemin le plus court, le chemin buissonnier, le chemin le plus long, à l'abri des regards, des taxes et des autorités, l'itinéraire choisi est conditionné par ce que nous sommes. Dans la Chine ancienne, seul l'empereur pouvait emprunter la route impériale, une privatisation en gloire. Dans ce cas-là, toutes les routes ne mènent pas à la rencontre de ceux que l'on ne côtoie habituellement jamais. Course contre le temps ou voyage d'agrément, sur les petites routes ou les grands chemins, la distinction entre les voyageurs se perçoit par leur manière d'habiter cette route. L'apparence a toute son importance, loin de ses relations familières. Le voyageur émet des signes de son appartenance sociale pour faire valoir les droits de son rang s'il en a un. Un apparat clinquant peut parfois remplacer le passeport ou le sauf-conduit manquant. En avoir ou pas conditionne la qualité de l'hospitalité qui vous sera réservée. Porter des signes de distinction immédiatement repérables est un enjeu de taille pour rendre un voyage agréable ou exécrable. But anyway, tonight also I wrote a song called On the Road. La représentation de la route évolue aussi en fonction de l'expérience du présent pour en changer les usages. Claudia Moati cite l'étude de Jean Haroui sur la photographie américaine. Si au XIXe siècle, la route incarne l'avancée des pionniers qui tracent leur sillon sur la terre dont ils prennent possession, après la crise de 1929, c'est le désespoir de ceux qui ont tout perdu que l'on représente sur les routes de l'Exode, tandis que dans les années 50, la Beat Generation fait de la route une quête fiévreuse de l'identité américaine. Lieu des possibles où l'on rencontre l'inconnu pour le pire ou pour le meilleur, la route c'est toujours l'aventure, petite ou grande. Une transition qui inspire la littérature en Grèce ancienne, dans les romans de chevalerie ou sur le parcours de Don Quichotte. Sur cette route se lit toute la diversité du monde, où s'exprime aussi la violence des rapports sociaux, tout comme les aspirations d'une époque. La Morane. La mort et nous, c'est le programme de cette semaine, le cours de l'histoire sur France Culture réalisé par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Nasser Moussaoui, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane Viudès et Juliette Corbel-Vivas. La programmation, c'est Maïwenn Guizhou et les pages, Nicolas Berling. Le cours de l'histoire à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, Six Pieds Sous Terre, histoire de nos pratiques funéraires.